Hey, l'exhaleur tout en or 400 carats. Ah, à la fin, yeah. Au fond, c'est mon terrain, de la vécu au bon serein. Chacun son clan, son destin, le bonheur est clandestin. Cette époque, c'est la mode de faire des séjours à Lantin. La mort d'approche annoncée le jour de la Saint-Valentin. Et combien de familles, de mes amis sont mal en point. Quand ma ville est fatiguée, la cocaïne en prend soin. Des gamines peines de fontain qui tombent enceintes, c'est enfantin. Comme des petits caïds en train de forcer une 205. En parlant de ça, bientôt y'aura plus assez de cimetières. Un verre de trop et ça se croit sorti de la cuisse de Jupiter. Ici, c'est Lilliput et chacun se prend pour Gulliver. À l'idylleur que je m'en bats d'être le roi de l'univers. Depuis mon arrivée sur terre, là, dans la cité du fer, moi, j'ai l'esprit serein, là où les flics sont suicidaires. Man, c'est pas Superman qui sauvera ta vie de kleps, connard. Ça te volera ton âme avec un air de kleptoman. 4100, c'est toujours le même combat. Au sommet de moi-même et quand j'écris, j'élève mon art. L'élève libre de Madame Monacelli. J'oublierai pas que j'ai enregistré mon premier rap chérie avec Doé, révolté sur les faces B de Fujila. Bien avant l'an 2000, ça n'avait rien d'appui. Gila, toujours unique, nous, la musique rap nous unit. Mais t'es sûr de rien, tu sais jamais où tu finiras. C'est l'exhaleur tout en or, 400 carats. L'exhaleur tout en or, 400 carats. J'ai le stylo dans la main et le mic au fond du larynx. Le hip hop dans le cœur quand la vie est un labyrinthe. Ouais, ma ville, je la connais par cœur comme les parquets de la troque. Et j'ai de quoi la haïr et de quoi en être accro. La vie est faite de choix, j'ai marié le fond et la forme. Et ma prose relate mon parcours à coups de métaphores. Hip hop, je me vois mal sombrer dans la monotone. J'ai mes propres limites et je me fous bien ce que le code m'autorise. Quand je pilote ma Toyota aux côtés de mon potori. Un prototype au micro dans ma commune cosmopolite. J'ai vu la cour des miracles, synonyme de zone à risque. L'amour propre salit comme de faire sa maillot marnix. Et les femmes trop naïves feront le bonheur des hommes de la nuit. Ou de la famille Mato qui nous escroque de père en fils. L'époque des drogues douces et dures et des dealers en masse. Pour un tox de perdu, y'en a 10 qui le remplacent. Tu peux leur donner tout ce que t'es, mais ne crois pas qu'on te le rendra. Pour ma part, je grave mon blas sur les gravats de mes grands pas. Le Val, Saint-Lambert, le PK, le Bois de la Pays, le fond de serein, le Pressoré, le Perret, la Pauvrie, le Molinet, la Chaque, le Valpote et la Bergerie. L'esprit serein, mon art oblige. C'est l'exhaleur tout en or, 400 carats. L'exhaleur tout en or, 400 carats. J'ai le stylo dans la main et le mic au fond du larynx. Le hip hop dans le cœur quand la vie est un labyrinthe. C'est l'exhaleur tout en or, 400 carats. L'exhaleur tout en or, 400 carats. Et autant marié au métronome tant que Mali Days. Mon humanité manifeste. C'est l'exhaleur tout en or, 400 carats. L'exhaleur tout en or, 400 carats. J'ai le stylo dans la main et le mic au fond du larynx. Le hip hop dans le cœur quand la vie est un labyrinthe. C'est l'exhaleur tout en or, 400 carats. L'exhaleur tout en or, 400 carats. Et autant marié au métronome tant que Mali Days. Mon humanité manifeste.